الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre قصص الأنبياء du Cheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. On s'est arrêté lors du dernier cours à l'histoire de Suleyman عليه السلام. On avait cité l'éloge qu'Allah Azzawajal avait fait à l'égard de Daoud alayhi salam et à l'égard de Suleyman alayhi salam. Allah Azzawajal les avait décrits comme, les a caractérisés par la science et la sagesse ou le discernement dans le jugement. Et on avait cité le premier cas qui avait été exposé à Daoud et à Suleyman alayhi salam, qui était le cas de ce troupeau qui avait dévasté un champ. Et Daoud alayhi salam avait émis un jugement qui était que le propriétaire du troupeau devait donner son troupeau au propriétaire du champ, car l'estimation ou les dégâts subis au champ avaient la même valeur que le troupeau. Et ce même cas a été présenté à Suleyman alayhi salam. Et Suleyman alayhi salam a donné un autre jugement, qui était que le propriétaire du troupeau devait labourer, semer et arroser le champ qui a été détruit. Et pendant le moment où le champ se régénère et jusqu'à ce qu'il reprenne l'état qu'il avait avant que le bétail ne le broute et ne le détruise, il devait mettre à disposition son bétail pour que le propriétaire du champ profite de la laine, du lait, etc., des brebis et moutons. Et que ce jugement était le plus proche car il était à l'avantage du propriétaire du champ, mais aussi à l'avantage du propriétaire du bétail. Puis il dit, rahimahullah, wa nadhiru hadhihi al-qadiyyah, حكم داود وسليمان بين المرأتين اللتين خرجتا ومع كل واحدة ابنها فعاد الذئب على ابن الكبرى فادعت الكبرى على الصغرى أن الذئب أكل ابن الصغرى وأن الذي سلم من الذئب ابنها والمرأة الصغرى أنكرت وقالت بل الذئب أكل ابن الكبرى فتحاكم إلى داود فلم يرى لكل منهما بينة إلا قولها رأى أن يحكم به للكبرى اجتهادا ورحمة بها لكبرها وأن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولدا بدله ثم رفعت القضية إلى سليمان فقال لهم أتوني بالسكين أشقه بينكما فرضيت الكبرى وقالت الصغرى لما دار الأمر بين تلفه أو بقائه بيد غيرها وهو أهون الأمرين عليها هو ابنها يا نبي الله فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البينات أنه ليس ابن للكبرى لكونها رضيت بشقه وإتلافه وأن دعواها على الأخرى إنما حملها عليه الحسد وأنه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواها فقضى به سليمان للصغرى. Il dit, rahimahullah, et un cas similaire a également été soumis. Et Daoud et Suleyman alayhim assalam ont jugé entre deux femmes qui étaient sorties, avec chacune d'elles son fils. Et le loup a dévoré le garçon de la plus âgée des deux femmes. La plus âgée a prétendu que le loup n'a pas dévoré son fils, mais qu'il a dévoré le fils de la plus jeune. Donc les deux femmes, il y avait une âgée et l'autre jeune. Et la femme âgée a prétendu que le loup a dévoré le fils de la jeune. Et que celui qui a été sauvé du loup est son fils à elle. Et la jeune a nié cela et a condamné cela et a dit, au contraire, le loup a mangé le fils de l'âge de la femme âgée. Elles ont donc soumis leur désaccord à Daoud alayhi salam. Et lorsque Daoud alayhi salam a vu qu'aucune des deux femmes n'a pu apporter de preuve, si ce n'est sa parole, si ce n'est leur parole, il a décidé de juger en faveur de la plus âgée. Ceci en faisant un effort de réflexion et par pitié pour la plus âgée. Et que la plus jeune, dans son avenir, Allah Azza wa Jal lui accordera un autre enfant à la place. C'était le jugement de Daoud alayhi salam. Puis, ce désaccord a été soumis à Sulayman. Sulayman alayhi salam leur a dit, apportez-moi un couteau afin que je le coupe en deux, que je coupe cet enfant en deux et que chacune prenne la moitié. La plus âgée a accepté ce compromis. Et la plus jeune, lorsqu'elle a vu que la situation était entre soit que son fils soit tué, qu'il soit coupé en deux, ou soit qu'il reste dans les mains d'autres qu'elle. Quel est le cas le moins pire? Autant que cet enfant soit vivant et qu'il soit avec une femme qui n'est pas sa mère, plutôt que qu'il soit tué. Cette femme a alors dit, « Huwa ibnuha ya Nabi Allah ». La jeune a dit à Sulayman, « C'est son fils, ô envoyé d'Allah ». Et Sulayman a su, par cette réaction naturelle, qui est la preuve la plus parlante, que celui qui a été dévoré n'est pas le fils de la plus âgée, car elle a accepté que l'enfant soit tué et coupé en deux. Et que ce qui l'a amené à prétendre que ce n'est pas son fils qui a été dévoré par le loup, cela, ce qui l'a amené à cela est la jalousie. Quant à la jeune, lorsqu'elle a été terrorisée de l'idée que son fils soit tué, elle a préféré tanazul, c'est le fait de, comment traduire en français, c'est de laisser, de céder. Elle a préféré, lorsqu'elle était terrorisée par le fait que son fils puisse être tué, et elle a préféré céder et ne plus prétendre que c'était son fils. Sulayman alayhi salam a alors jugé en faveur de la plus jeune. ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال من الفهم الذي يخصه الله به من يشاء. Cheikh Saadi conclut en disant, et il n'y a aucun doute que de faire ressortir la vérité dans des cas et dans des situations avec preuve et en regroupant toutes les circonstances, que ceci est une compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. ثم قال رحمه الله فصل في بعض الفوائد المستنبطة من قصة داود وسليمان عليهما السلام. Puis, Cheikh Saadi, rahimahullah, dit certaines leçons à retenir de l'histoire de Daoud et de Sulayman, alayhim as-salam. فمنها أن الله يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله لتثبيت فؤاده وتطمين نفسه ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه. ولهذا ذكر تعالى في أول سورة صاد ما قاله المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم وما آذوه به، قال بعدها اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Il dit, rahimahullah, ce que parmi les leçons que l'on retient de cette histoire, qu'Allah Azza wa Jal raconte à son prophète sallallahu alayhi wa sallam les histoires de ceux qui l'ont précédé afin de raffermir son cœur et afin d'apaiser son âme. Et Allah Azza wa Jal lui cite les adorations qu'ont accomplies ceux qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'immense endurance dont ils ont fait preuve. Ceci donne envie de les concurrencer et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, dans le début de Sourate Sad, lorsqu'il a cité subhanahu wa ta'ala ce que ceux qui n'ont pas cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont dit à son égard et les façons par lesquelles ils ont porté atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Sad, après avoir cité ses représailles et ces injustices dont a été victime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal lui a dit « Isbir ala ma yaqouloun » patiente face à ce qu'ils disent, c'est-à-dire les polythéistes. « Wadhkur abdana Daoud dhal aidi innahu awwab » et « Rappelle-toi notre serviteur Daoud, doué de force, c'est-à-dire dans l'adoration » est plein de repentir. Donc ici, Allah Azza wa Jal cite les histoires de ceux qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment pour raffermir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui permettre de redoubler de patience face aux représailles de son peuple. وَمِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ مَدْحٌ عَظِيمٌ مِنَ اللَّهِ لِهَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ قوة القلب والبدن على طاعة الله والإنابة باطنا وظاهرا إلى الله المستلزمة لمحبته وكمال معرفته، وأن هذين الوصفين الأنبياء على وجه الكمال ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم، والثناء من الله عليهما يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة، وأن يكون العبد رجاعا إلى الله في حال السراء والضراء وفي جميع الأحوال. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, en parlant de Daoud alayhi salam, doué de force, c'est-à-dire dans l'adoration et plein de repentir. Ceci est une immense éloge d'Allah Azza wa Jal à Daoud alayhi salam à travers ces deux caractéristiques. La force du cœur et du corps dans l'adoration à Allah Azza wa Jal et le fait de revenir repentant à Allah Azza wa Jal de façon cachée et ouverte. Et ceci, cette force du cœur et du corps et le fait de revenir repentant vers Allah Azza wa Jal implique d'aimer Allah Azza wa Jal et de le connaître. Et lorsque les prophètes d'Allah sont caractérisés par ces éloges et par ces qualités, eh bien, c'est qu'ils sont dotés de ces qualités de façon parfaite. Et quant à ceux qui suivent les prophètes, eh bien, ils auront de la complétude de ces qualités, ou la complétude de ces qualités sera proportionnelle à leur suivi au prophète d'Allah, alayhi wasalam. Et l'éloge d'Allah, azza wa jal, à travers ces deux qualités, doivent nous pousser à mettre en œuvre les causes qui nous permettent d'obtenir la force et d'être repentant. Et le musulman et le serviteur d'Allah Azza wa Jal se doit de revenir repentant vers Allah Azza wa Jal dans toutes ces situations, qu'il soit dans l'aisance ou bien dans la difficulté. وَمِنْهَا مَا أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ دَاوُدَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ الصَّوْتِ وَرَخَامَتِهِ وَأَنَّ الْجِبَالَ وَالطُّيُورَ تُسَبِّحُ اللَّهَ مَعَهُ وَتُجَاوِبُهُ وَذَلِكَ مِنْ زِيَادَةِ دَرَجَاتِهِ وَمَقَامَاتِهِ الْعَالِيَةِ. Et l'on retient parmi les leçons de cette histoire le don d'Allah Azza wa Jal qu'il a accordé à Daoud alayhi salam, et le fait qu'il avait une belle voix et que les montagnes ainsi que les oiseaux glorifiaient Allah subhanahu wa ta'ala avec lui. Et ceci est une marque d'élévation de ses degrés et de sa place élevée. ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات والمشاحنات كما قال تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Et également parmi, on retient de cette histoire que parmi les plus grands bienfaits d'Allah Azza wa Jalla envers son serviteur, c'est le fait de lui accorder la science bénéfique, mais également de lui accorder la faculté de pouvoir juger entre les gens, de juger entre les gens, de juger entre les paroles des gens et de juger également les désaccords qu'il y a entre les gens. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab. Nous lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. ومنها كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الهفوات بفتنة إياهم وابتلائهم بما يزيل عنهم المحذور حتى يعود أكمل من أحوالهم الأولى كما جرى لداود وسليمان. Et également le retient de cette histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde une particularité, une attention particulière à ses prophètes et à ses élus. Lorsqu'ils font preuve ou lorsqu'ils font des faux pas, Allah Azza wa Jal les éprouve afin que ce qu'ils ont commis soit effacé d'eux et afin qu'ils redeviennent meilleurs qu'ils n'étaient auparavant. Comme cela est arrivé à Daoud et à Sulayman alayhi salam. Et cela, on l'a vu lors du récit de leur histoire. ومنها أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله فإن الله أمر بطاعتهم مطلقا ومقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك وقد يجري منهم أحيانا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة. On retient également de cette histoire que les prophètes d'Allah Azzawajal sont protégés et sont parfaits dans ce qu'ils transmettent de la part d'Allah Azzawajal. Car Allah Azzawajal nous ordonne de leur obéir de façon inconditionnelle. Et le but du message ne peut être atteint si les prophètes ne sont pas écoutés et obéis. Ainsi, les prophètes sont parfaits dans leur transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, rahimahullah, mais il est possible que de temps en temps, certains faux pas dus à des circonstances naturelles peuvent avoir lieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve de douceur envers eux et leur permet de se repentir et de revenir vers Allah Azza wa Jal repentant. Ainsi, les prophètes peuvent être amenés à faire des erreurs qui sont liées à des circonstances naturelles, comme dans Sourate Abasa, lorsque l'aveugle est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est focalisé sur le riche, dans l'espoir qu'il se convertisse et que se convertisse avec lui son peuple. Et Allah Azza wa Jal lui a fait le reproche de cela. C'est un exemple parmi les exemples des faux pas que peuvent faire les prophètes et envoyés d'Allah. Mais ces faux pas n'ont jamais lieu dans la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces faux pas sont bien sûr minimes, et tous les faux pas des prophètes ont été suivis par un repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jal a fait de ce repentir qu'il soit meilleur qu'il n'était auparavant. ومنها أن داود في أغلب أوقاته ملازما محرابه لخدمة ربه وله وقت يجلس فيه لحوائج الخلق فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده. Également, on retient de cette histoire que Daoud alayhi salam, la plupart du temps, était dans son sanctuaire au service de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et qu'il avait un moment dans lequel il s'asseyait pour répondre aux besoins des gens. Ainsi, Daoud alayhi salam donnait les droits d'Allah azza wa jal, mais également les droits de ses serviteurs. Wa minha أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس خصوصا الحكام والرؤساء فإن الخصمين لما دخل على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب فزع منهم واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. Également, on retient de cette histoire que l'on doit faire preuve de comportement et de respect lorsque l'on entre chez les gens, d'autant plus lorsque ces personnes sont des dirigeants ou des gouverneurs. Car les deux qui étaient en désaccord lorsqu'ils sont rentrés chez Daoud alayhi salam, ils sont rentrés de nuit et ils ne sont pas rentrés par la porte habituelle. Vous vous rappelez de ce fait? Et ces deux hommes étaient des anges qui étaient venus pour éprouver et tester Daoud alayhi salam suite à un faux pas qu'il a fait dont Allah azza wa jal n'a pas donné la nature. Daoud alayhi salam, cela l'a effrayé et cela l'a énormément dérangé. ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. Également, on retient de cette histoire que le gouverneur ne doit pas se priver de juger par la vérité lorsque ceux qui se plaignent font preuve de mauvais comportement. Lorsque ces deux hommes sont arrivés de nuit et par une porte qui n'était pas la porte habituelle, ils ont dérangé Daoud alayhi salam qui était en train d'adorer Allah azza wa jal dans son sanctuaire, c'est-à-dire dans l'endroit d'adoration qui était réservé chez lui. Est-ce que ce mauvais comportement a empêché Daoud alayhi salam de juger par la vérité et de juger ce désaccord, cela l'a empêché? Non. ومنها كمال حلم داود فإنه ما غضب منهما حين جاءه بغير استئذان ولا انتهرهما ولا وبخهما. Également, on retient de cette histoire la parfaite compassion et douceur de Daoud alayhi salam, car il ne s'est pas énervé lorsque ces deux personnes sont venues sans demander la permission et il ne leur a pas fait de réprimande. ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني أو يا ظالم ونحوه أو يا باغي لقوله بغى بعضنا على بعض. Également, on retient cette histoire qu'il est autorisé à l'opprimé de dire à celui, de dire à l'opprimeur, tu m'as offensé ou ô injuste. Car Allah Azza wa Jalla a dit, en parlant de ces deux hommes, bara ba'duna ala ba'd, l'un de nous a fait du tort à l'autre. Wa minha أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن لا يغضب ولا يشمئز بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه ويحمد الله إذا قيض له النصيحة على يد الناصح فإن داود لم يشمئز من قول الخصمين فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط بل حكم بالحق. Également, on retient de cette histoire que celui qui est conseillé, celui à qui l'on conseille, même si il a une grande place et qu'il a beaucoup de science, il ne doit pas s'énerver et ne doit pas faire preuve de répulsion à celui qui le conseille. Mais au contraire, il doit accepter le conseil qui lui est adressé et doit être reconnaissant vis-à-vis de celui qui le conseille. Et il doit remercier Allah Azza wa Jal de lui avoir permis de bénéficier d'un conseil. Et il doit remercier Allah Azza wa Jal qu'un conseil lui soit parvenu. Car Daoud alayhi salam ne s'est pas énervé et n'a pas fait preuve de répulsion lorsque les deux personnes qui étaient en désaccord ont dit فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقْ وَلَا تُشْتِتْ وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. Juge donc en toute équité entre nous et ne sois pas injuste et guide-nous vers le chemin droit. Ils ont dit ça à qui? À Daoud alayhi salam, qui est le prophète d'Allah. C'est comme si tu disais à un juge, juge avec nous par la vérité, ne sois pas injuste, etc. La personne peut mal le prendre. Surtout si elle a l'habitude de juger par la vérité, si elle a l'habitude de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, Daoud alayhi salam ne l'a pas mal pris. Au contraire, on retient de cela que même si tu es un grand savant, même si tu es un juge qui est réputé pour sa crainte d'Allah Azza wa Jal, lorsque l'on t'adresse un conseil, eh bien tu te dois de l'accepter et de remercier celui qui te le procure. Et Daoud alayhi salam, lorsque ces deux personnes lui ont dit ces paroles, a jugé par la vérité entre eux. وَمِنْهَا أَنَّ الْمُخَالَطَةَ بَيْنَ الْأَقَارِبِ وَالْأَصْحَابِ والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعدي وبغي بعضهم على بعض وأنه لا يرد عن هذا الداء العضال إلا التقوى والصبر بالإيمان والعمل الصالح وإن هذا من أقل شيء في الناس. On terminera par cette dernière leçon pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et le fait que des proches, que lorsque des proches sont souvent amenés à être ensemble et à avoir des relations mondaines liées à des biens, que ce soit un commerce ou autre, que le fait que deux proches ou deux amis ou deux partenaires sont souvent en relation Et ce qu'il y a entre eux est souvent des choses mondaines liées à des biens particuliers, que cela amène souvent l'animosité. Et que cela amène à ce que certains, à ce que les uns fassent du tort aux autres. Et ne repoussent cette maladie que la piété et la patience. Ne repoussent cette maladie que la foi et les actes pieux. Et ceci est très rare chez les gens. Que le fait d'être proche et d'avoir des relations, d'avoir en commun un commerce ou des relations mondaines et d'avoir des relations qui ne sont basées que sur cela, eh bien, cela amène souvent à ce qu'il y ait des discordes, à ce qu'il y ait des disputes, à ce que les uns fassent du tort aux autres. Et Cheikh Saadi dit que le remède à cela, c'est la piété, c'est la patience, c'est la foi et c'est les actes pieux et les adorations sincères à Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, cela est très rare chez les gens. On actafi bihada al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.